l'équipe de Ford. Diversifions nos efforts et notre créativité et fais de la réinvention une habitude de temps en temps. Localisez vos talents et faites de la pratique un mode de vie. Faites de votre faux équipe et de votre contribution un mode de gagner sa vie. Je pense qu'aller travailler, c'est respecter un horaire fixe et peut être, mais ce n'est pas la seule manière. Souvent, pour travailler plus longtemps, mais pas selon un horaire fixe, et pas nécessairement dans un lieu déterminé. La combinaison du travail sur lieu et du télétravail est la nouvelle façon de travailler. Et n'est prévu plus de respecter un horaire fixe. Se peut travailler jour et nuit et pas travailler des jours postérieurs. Et travailler jour et nuit autre fois et pas travailler des jours postérieurs. Les manières de travailler sont en pleine évolution. Et nous devons évoluer à côté de ça. Les cavaliers.